dès l'aurore, demoiselle, fais comme les hirondelles au-dessus du Sahel. Au soleil insolent, c'est un signe, il y a sûrement quelque chose ailleurs. C'est un signe, l'espace est aux voyageurs. Dès l'aurore, demoiselle, fais comme les hirondelles au-dessus du Sahel. Au soleil insolent, c'est un signe, il y a sûrement quelque chose ailleurs. C'est un signe, l'espace est haut. Voyage, voyage. Reine des décibels, cœur de toréador, fleur des nuages blancs, c'est un signe, il y a sûrement quelque chose ailleurs. C'est un signe.